Jack London, naissance d'un écrivain. He was a man and a friend always. He stuck with me in the hard old days. He never cared if I had no dough. We rambled round in the rain and snow. And here's to you, my rambling boy. May all your rambling bring you joy. Here's to you, my rambling boy. May all your rambling bring you joy. In Tulsa town, we chanced to stray. We thought we'd try to work one day. The boss said he had room for one. Says my old pal, we'd rather bum. And here's to you, my ramblin' boy. May all your ramblin' bring you joy. Here's to you, my ramblin' boy. May all your rambling bring you joy. Il y a des vies où les difficultés touchent au prodige. Gilles Deleuze. Late one night in a jungle camp. C'est à l'âge de 24 ans que Jack London connaît enfin la reconnaissance littéraire avec la publication du Fils du Loup, qui réunit ses textes sur le Grand Nord. Il ne lui reste alors que 16 années à vivre et encore tant d'histoires à raconter. They took the only friend I had. And here's to you, my rambling boy. May all your rambling bring. Trois événements majeurs vont nourrir encore la vie de London et les romans qui en raconteront les déroulements et l'expérience du monde et son usage. La première, en 1902, deux ans après son premier succès, il va aller traîner dans les bas-fonds de Londres, dont il rapportera Le peuple de l'abîme, traduit récemment par Le peuple d'en bas. C'est un reportage implacable sur l'East End, un quartier misérable de Londres, où ce qui va le marquer ne sera ni l'alcool, ni les rixes ou la prostitution, mais la faim. Pendant 86 jours, déguisé en clochard, il va vivre au quotidien la vie des gens du quartier, exclus, homeless, orphelin du progrès. Comme un explorateur journaliste, tous les soirs, il tapera sur son Underwood ce qu'il a vu et entendu. Les couleurs, les odeurs, tout ce qui se renifle et révulse, qui procure la nausée. Au cœur des ténèbres de la ville la plus riche du monde, capitale de l'empire le plus puissant du moment, il va se perdre dans les labyrinthes de la misère avec l'état d'esprit d'un correspondant de guerre. Il aurait pu intituler son livre « L'armée des maudits ». Il y eut une époque où les nations d'Europe enfermaient les juifs indésirables dans les ghettos. Aujourd'hui, la classe dominante, celle qui détient pouvoir et argent par des méthodes moins arbitraires mais tout aussi rigoureuses, a confiné les travailleurs indésirables, mais cependant indispensables, dans d'immenses ghettos d'une pauvreté incommensurable. L'East de Londres est un ghetto où n'habitent ni les riches ni les puissants de ce monde, et où le touriste ne met jamais les pieds, mais où 2 millions de travailleurs s'entassent, procréent et meurent. Pour être juste, s'il faisait bien la queue à l'armée du salut avec 700 indigents pendant 4 heures pour avoir le droit avec eux d'obtenir de quoi manger, il faut savoir aussi qu'il payait des guides pour le conduire dans les lieux les plus infâmes et dormait le soir à l'hôtel. Mais qui lui en voudrait? Il est un écrivain du sensitif et aime mêler intimement des épisodes de sa vie à son imaginaire. Quand le roman reportage londonien fut terminé, il se précipita à Paris et à Rome pour profiter des ferveurs révolutionnaires des camarades de l'International. 2 ans plus tard, en 1904, il s'embarque sur le Sibéria à destination de la Corée, où il va suivre la guerre russo-japonaise pour les journaux du groupe Hearst. Arrêté par les Japonais, il est expulsé. Troisième événement. 5 ans après son mariage, il divorce et épouse Charmian Kittredge. Il achète au nord de San Francisco le ranch Glen Ellen où ils habiteront jusqu'à son dernier jour. Puis il décide de faire le tour du monde sur un bateau qu'il s'est fait construire, le Snark. C'est au cours de ce voyage qu'il rédigera Martin Eden, mais aussi L'amour de la vie, Les vagabonds du rail et terminera Le talon d'acier. J'ai grandement développé les 13 années où l'adolescent London se fabrique en toute naïveté, de par sa nature foncièrement aventurière et robuste. Une statue héroïque qui enverra quelques dizaines d'années plus tard des millions de routards beatniks sur toutes les routes et sur toutes les autoroutes du monde. Je n'ai jamais eu d'enfance. Il me semble que je suis sans cesse à la recherche de cette enfance perdue. Jusqu'à la publication de son premier roman, on peut, en simplifiant à dessein, affirmer que sa vie fut innocente de célébrité. C'est-à-dire que l'aventure avec un grand A s'est présentée, qu'il l'a prise au vol comme un capteur de sensations pour son propre compte ou sa propre survie. Comme un joueur, comme un gourmand du monde, comme un jouisseur du danger, il a pendant ses 11 années vécu en précurseur d'un mode de vie basé sur l'existence et non la naissance. Il a usé du monde pour s'écrire, poétiser son action et puiser là une œuvre littéraire. Bien avant que Sartre ne déclare que l'existence précède l'essence, London fut l'auteur du roman de sa vie, l'acteur de sa légende, l'écrivain du chef-d'œuvre de son existence. Même si déjà au Klondike, il a quelques arrière-pensées littéraires, la précarité endémique de sa condition d'alors accrédite volontiers l'idée que tout ce qui fut vécu là, et jusqu'à ses 24 ans, participa à une légende d'écrivain sans que son bénéficiaire ait pu sournoisement et cyniquement la trafiquer pour la fabriquer. Les mensonges connus aujourd'hui par la biographie d'Olivier Todd sur quelques épisodes peu glorieux de Malraux nous montrent que certains amateurs de louanges savent utiliser les épisodes dramatiques de l'histoire des peuples pour s'auto-glorifier. Ingrédients exotiques d'un pays lointain, une juste cause, le tout médiatisé, et c'est la voie royale pour la postérité. Comme Ernest Hemingway, Joseph Conrad, Jack Kerouac, London fait partie de cette catégorie des écrivains de l'existence qui se sont investis physiquement dans leur littérature. Toréador des mots, ils ont connu la menace mortelle du coup de corne et du taureau furieux. Les 3 épisodes que je viens d'évoquer et qui suivent la publication de son premier livre où il voyage à nouveau, donne de sa personne et se retrouve une fois encore confronté aux océans, à la guerre, à la misère, seront les derniers éléments de sa vie adulte dont il se servira pour ses ultimes romans. En service commandé, pourrait-on dire cette fois. Né, décoiffé, hirsute même, Jack London fut boulimique du bruit, du vent, de la mer, du ciel, de la liberté, de la vérité. Ne pas mourir avec un mensonge dans le cœur, disait-il. Que de visages il croisa, déridés et délices, avec des yeux de démon ou langoureux comme ceux des chiens, Il aima la pauvreté et la détesta. Il envia les riches et sut les haïr. Dernier nabab, il a toujours su que la réussite pouvait être une machine à broyer, mais que lui, fort comme un docker, aux muscles de boxeur, saurait faire front et terrasser l'emmerdeuse. Révolté contre les idées reçues, contre la ligne droite des destins, il prit plaisir à faire de sa vie un zigzag aux angles vifs, une vie improvisée où rien n'est jamais écrit, n'octroyant le luxe qu'à lui seul de l'écrire. Je suis viscéralement réaliste, et l'esprit bourgeois est le réalisme. La bourgeoisie est timorée, elle a peur de la vie. Vous vouliez me normaliser, me comprimer dans le carcan de votre monde où toutes les valeurs de la vie sont faussées, illusoires, vulgaires. Oui, vulgaires. La vulgarité, une vulgarité chic, je l'admets, est le fondement du raffinement de la culture bourgeoise. Comme je l'ai dit, vous vouliez me normaliser, me couler dans le moule de votre propre classe avec vos idéaux, vos valeurs, vos préjugés de classe. Et vous ne me comprenez toujours pas, même maintenant. Mes mots n'ont pas de sens pour vous. Ils n'ont pas le sens que je leur donne. Pour vous, ils sont fantaisistes. Pour moi, ils sont vitaux. Tout au plus, vous amusent-ils. Ça vous épate, avouez-le, qu'un pauvre gars du peuple comme moi, à peine sorti du ruisseau, puisse émettre un jugement sur votre classe et la qualifier de vulgaire. Un jour, quelque chose se brise. Ce n'est pas le dégoût, pas la nostalgie d'années perdues. L'âge n'y est pour rien, la maladie n'y est pour rien. Il y a une fatigue, c'est tout. Une fatigue de tout, de la gloire, des hommes, des femmes. À 40 ans, Jack London aura vécu plusieurs vies. Il s'était empli de la vie des hommes et ne pouvait supporter qu'une seule once de bruissement ne s'infiltre encore en lui. Une overdose de monde, c'est la lassitude. Ses yeux se dessillaient. Il voyait qu'il était entré dans la vallée de l'ombre. Toute la vie qui était en lui se délitait, se fondait dans la mort. Il n'avait qu'une envie, dormir. Lui qui avait tant haï le sommeil, voleur de vie, lui pour qui 4 petites heures de sommeil avaient été 4 longues heures de vie perdues, Dieu qu'il avait détesté dormir. Dieu qu'il détestait vivre à présent. La vie n'avait plus de sel et ne lui laissait qu'un goût amer dans la bouche. Attention, il était en péril. Une vie qui n'aspire plus à la vie approche de sa fin. Un vague instinct de conservation le stimula. Il était temps de partir. Il regarda dans la pièce et la perspective de faire ses mal l'accabla. Il préféra repousser cela au dernier moment. En attendant, il allait préparer son équipement. Pourtant, je contemple d'un œil chagrin toutes ces beautés et ces merveilles qui m'entourent. Je considère avec mélancolie la lamentable silhouette que je suis dans ce monde qui a existé longtemps avant moi et continuera d'exister sans moi. Je songe à tous les malheureux qui ont courbé l'échine sur ce sol opiniâtre, mon bien à présent. Comme si les choses impérissables pouvaient appartenir à celui qui est éphémère. Ces hommes ont passé, et moi, je les suivrai. Ils ont trimé, défriché, planté. Et après de dures journées de labeur, ils ont arrêté leur regard fatigué sur les mêmes levées et couchers de soleil, sur la gloire automnale de la vigne, et aussi sur les écharpes de brume dont se voile la montagne. Et ils ne sont plus. Et je sais qu'il me faudra un jour, et bientôt, m'en aller également. M'en aller. Je suis en train de partir à cet instant même. Les jointures de mes jambes ont perdu de leur élasticité, et jamais plus je ne pourrai me balancer éperdument, suspendu à un cordage dans l'obscurité de la tempête. Jamais plus je ne courrai côte à côte avec les chiens de traîneau sur les pistes interminables des régions arctiques. Il y eut un long bourdonnement. Puis il eut l'impression de tomber dans un vaste escalier sans fin. Tout en bas, c'étaient les ténèbres. Cela, il le savait. Il sombrait dans les ténèbres. Et au moment où il le sut, il cessa de le savoir. Au matin du 22 novembre 1916, Jack le Vagabond, l'écrivain Trimarder, s'en alla pour sa dernière fugue. Un dernier train, l'ultime bateau. Il avait bien rempli sa mission, être un homme curieux, tout apprendre, pour avec passion en faire une œuvre d'art. Pour terminer, écoutons la liste des livres que Jack London n'a pas écrits, mais qu'il eut sûrement en tête à l'heure de la cérémonie des adieux. De la bourgeoisie, des vagabonds, de la vulgarité, des races, de la misère, du désir d'être riche, des nuits d'alcool, des trains volés, du pillage, de la Californie, de la grande Amérique, du vaste monde, du travail, de l'acharnement, des mots utiles et des mots inutiles, de la vie comme un roman, des romans de la vie, des océans, des glaces et de l'effroi, des animaux sauvages, de la gloire d'être écrivain, de la mort volontaire, de la mort comme une fête, de la fatigue, de l'oubli de vivre, des muscles de boxeur, du festin de la vie, de l'amour. Jack London, naissance d'un écrivain, par Yves Simon. He was a man and a friend always. He stuck with me in the hard old days. He never cared if I had no dough. We rambled round in the rain and snow. And avec les voix de Stéphanie Chevrier, Jean-Claude Dauphin et Bernard-Pierre Donadieu. May all your rambling bring you joy. Here's to you, my rambling boy. May all your rambling bring you joy. Prise de son et mixage, Pierrick Charles et Cécile Dume. Réalisation, Marie-France Nussbaum. In Tulsa town, we chanced to stray. We thought we'd try to work one day. The boss said he had room for one. Says my old pal, we'd rather bum. Je me suis inspiré de la biographie de Jack London écrite par Irving Stone. Quant aux extraits de romans, ils proviennent pour l'essentiel de John Barleycorn, L'appel du loup, La route, Cro-Blanc, Le vagabond des étoiles et bien sûr Martin Eden. Late one night in a jungle camp, the weather it was cold and damp. He got the chills and he got 'em back. They took the only friend I had. And here's to you, my rambling boy. May all your rambling bring you joy. Here's to you, my rambling boy. May all your rambling bring you joy. He left me here to ramble on. My rambling pal is dead and gone. If when we die we go somewhere, I bet you a dollar he's rambling there. And here's to you, my rambling boy. May all your rambling bring you joy. Here's to you, my rambling boy. May all your rambling. Équipe de réalisation pour le feuilleton. Philippe Baudouin, Bernard Laniel et Catel Guillou. Cette émission a été diffusée une première fois sur France Culture en août 2001. I was young when I left home. Thought I'd been out of rambling round. And I never wrote a letter to my home. To my home. Lord, to my home. And I never wrote a letter to my home. It was just the other day. I was drinking on my pay when I met an old friend I used to know. Said your mother's dead and gone, baby sister's all gone wrong, and your daddy needs you home right away. I had a shirt on my back, not a penny on my name. But I can't go home this way, this way. Lord, Lord, Lord. And I can't go home this way. If you miss the train I'm on, count the days I'm gone. You will hear that whistle blow 100 miles. 100 miles, honey, baby. Lord, Lord, Lord. And you hear that whistle blow 100 miles. I've played on a track. Mama, come and whip me back on them trestles down by old Jim McKay's. When I pay the debt I owe to the commissary store, I will pawn my watch and chain and go home. Go home. Lord, Lord, Lord. I will pawn my watch and chain and go home. Used to tell my ma sometimes when I see them riding blinds, gonna make me a home out in the wind, in the wind, Lord, in the wind. Make me a home out in the wind. I don't like it in the wind. I'll go back home again, but I can't go home this way, this way. Lord, Lord, Lord. And I can't go home this way. And I've been on a rambling round, and I never wrote a letter to my home, to my home. Lord, Lord, Lord, and I never wrote a letter to my home.